Science des religions. L'islamisme, d'après le Coran, l'enseignement doctrinal et la pratique par Monsieur Garcin de Tassy. Édition Maisonneuve et Compagnie 1874. Markemdan Archive.org 2021 d'après Gallica BNFFR et édition d'Ondet Dupré, 1826, Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Préface. Il est tellement question en ce moment des musulmans de l'Inde, que je crois opportun de mettre au jour de nouveau mes anciennes publications sur la religion musulmane, afin qu'en en connaissant les principes et que, tout en déplorant l'aveuglement des sectateurs de Mahomet, on sache que leur religion n'offre pas les monstruosités que quelques personnes croient y voir. Les pièces que j'ai réunies ici sont, premièrement, Doctrine et devoirs de la religion musulmane, tiré textuellement du Coran, deuxièmement, Exposition de la foi musulmane, catéchisme sunnite traduit du turc, troisièmement, Le Collège musulman, traduit de l'arabe et du persan, quatrièmement, Religion musulmane dans l'Inde. Mahomet naquit au sein du paganisme, mais, dès l'âge le plus tendre, il montra, avec beaucoup de génie, une grande horreur pour le vice, un ardent amour pour la vertu, une sincérité et une bonne foi peu communes, au point que ses compatriotes lui donnèrent le nom d'Amin, l'homme sûr. Dans les voyages qu'il fit en Syrie pour le commerce d'échange auquel il se livrait, il fréquenta des chrétiens, il eut connaissance de leurs livres sacrés et put ainsi s'abreuver à la source de l'éternelle vérité. Dès lors son âme élevée, qui pliait en gémissant sous le joug de la superstition, se réveilla comme d'un songe, éclairé par la Bible, il put se convaincre qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule vraie religion dont les dogmes fondamentaux, l'existence d'un Dieu unique et la vie future, avait été annoncé chez les différents peuples par des prophètes envoyés de Dieu. Jetant un regard sur l'Arabie, il la vit adonnée au culte le plus grossier, quoique les noms d'Abraham et d'Ismaël, que ses habitants prononçaient quelquefois dans leurs prières, pût leur rappeler qu'ils avaient jadis reçu le dépôt sacré de la foi. Son ambition ne pouvait se contenter du rôle de missionnaire chrétien, il voulut malheureusement devenir le fondateur d'une religion nouvelle. Après 15 années de méditation, il entreprend la conversion de son pays à ses idées. Sa prédication est couronnée du succès, et en quelques siècles la moitié du monde connaît la loi de Mahomet. La religion musulmane est, après le bouddhisme et la religion chrétienne, qui est la seule vraie, une des religions le plus répandues. La moitié de l'Asie et de l'Afrique et une partie de l'Europe suivent la loi de Mahomet. Que dis-je ? Un moment l'Europe entière fut sur le point de voir ses temples changer en mosquées, et il y a moins de 4 siècles que les musulmans occupaient encore des provinces d'un royaume limitrophe de la France. Cependant, on s'est formé de cette religion les idées les plus fausses. Durant plusieurs siècles, on a donné aux musulmans le nom de païens, et le Tasse lui-même les a désignés sous ce nom dans son admirable poème. Toutefois, jamais peuple, ainsi que l'observe fort bien un écrivain célèbre, ne fut plus éloigné de ce que nous appelons improprement le paganisme et ne fut plus attaché, sans aucun mélange, à l'unité de Dieu. On a été plus loin, on a nommé les divinités qu'on a prétendu qu'ils adoraient, Vénus, Astarté, la Lune, Uranie, etc. On a même divinisé pour eux Safa et Merva, colline de la Mecque. On est tombé dans des erreurs aussi étranges pour tout ce qui concerne leurs autres dogmes et les pratiques de leur culte. Aujourd'hui, si l'on ne nomme plus les musulmans païens, et si l'on ne cite plus le nom de leur divinité prétendue, du moins continue-t-on de les nommer adorateurs de Mahomet, et a-t-on toujours de leur religion à peu près les mêmes idées que l'on en avait? Dans le dernier siècle, Voltaire a contribué à jeter du mépris sur l'islamisme, et surtout sur son auteur, par sa tragédie intitulée « Le fanatisme ou Mahomet ». Dans ce poème, Voltaire a représenté sous les traits d'un scélérat le législateur des Arabes, qui a substitué le culte d'un seul dieu à l'idolâtrie grossière dans laquelle étaient plongés ses malheureux concitoyens. Il n'a vu qu'un brigand dans le législateur qui a remplacé par des lois sages et sévères les coutumes barbares et sanguinaires des anciens Arabes. On ne trouve pas que Mahomet ait été noirci d'aucun vice, dit le célèbre W. Jones. Ses talents pour la guerre, ses vertus morales, sa sagacité, le mettent au niveau des Alexandres, des Solons et des Lycurgues, et si le Coran est de sa composition, comme cela paraît démontré, on doit le mettre au rang des plus habiles rhétoriciens et des plus élégants poètes. Ne serait-ce point par antipathie pour les idées religieuses que le philosophe de Ferney, Voltaire, aurait fait sa tragédie? On pourrait hésiter à répondre si l'on ne connaissait pas les vers qu'il adressa à Lannou, auteur de la tragédie de Mahomet II, en lui envoyant celle de Mahomet le prophète. Note. Voltaire, dans sa lettre au roi de Prusse, daté du 20 janvier 1742, avoue que le fait historique sur lequel repose sa tragédie est faux. « Je sais, dit-il, que Mahomet n'a pas tramé précisément l'espèce de trahison qui fait le sujet de cette tragédie. Les voici. Mon cher Lannou, illustre père de l'invincible Mahomet, soyez le parrain d'un cadet qui, sans vous, n'est point fait pour plaire. Votre fils est un conquérant, le mien a l'honneur d'être apôtre, prêtre, fripon, dévot, brigand, qu'il soit le chapelain du vôtre. » Fin de la note. Néanmoins, je ne prétends point me faire ici le champion du législateur des Arabes, ni le défenseur de la religion qu'il a établie. Je prétends encore moins faire la plus légère comparaison entre le christianisme et l'islamisme. Le mot islamisme signifie proprement résignation à Dieu, et musulman, résigné à Dieu, entre l'évangile et le Coran. Comment, en effet, tout autre argument à part, pouvoir comparer le christianisme propagé, dans les premiers siècles, par la seule voie de la conviction, à l'islamisme prêché les armes à la main. L'évangile, lit-on avec plaisir dans Bell, prêché par des gens sans nom, sans études, sans éloquence, cruellement persécutés et destitués de tous les appuis humains, ne laissa pas de s'établir, en peu de temps, par toute la terre. C'est un fait que personne ne peut nier, et qui prouve clairement que c'est l'ouvrage de Dieu. Confer dictionnaire historique et critique, article Mahomet. Le Coran est le dépositaire de cette loi. Mahomet l'annonça par portions détachées, toutes écrites d'un style vivant et animé, toutes empreintes de cette éloquence persuasive qui sait entraîner les cœurs. Ces fragments furent réunis en corps d'ouvrage après la mort du prophète, mais on négligea de les disposer selon l'ordre du temps où ils avaient paru, et, au lieu de procéder avec critique et goût, on se borna presque à rapprocher les versets qui sont terminés par une même rime, en plaçant d'abord les plus clairs, puis ceux qui le sont moins, et dans les dernières pages ceux qui présentent un sens obscur. Ainsi, par exemple, les cinq premiers versets du chapitre 96 sont les premiers qui furent révélés à Mahomet. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Dans ce confus assemblage, les préceptes religieux, moraux et civils, les narrations bibliques, les traditions arabes, les allusions aux événements du temps, les versets abrogés, les abrogeants, tout se trouve pêle-mêle, au milieu de répétitions sans nombre. Si ces défauts ne sauraient obscurcir dans l'original les beautés de pensée, que le charme et l'harmonie du style font ressortir, il n'en est pas de même dans nos pâles traductions. Aussi le Coran est-il généralement inconnu à ceux qui ne sont pas à même de le lire en arabe, presque personne ne pouvant soutenir la fatigante lecture des versions européennes. Pour que l'on pût apprécier cet ouvrage célèbre et les véritables principes d'une religion qui compte tant de spectateurs, j'avais formé le dessein de publier une traduction du Coran dans l'ordre chronologique des matières, mais, après y avoir réfléchi, j'ai cru que j'atteindrais plus aisément le but que je me proposais en ne donnant que les fragments qui ont trait à la doctrine religieuse prêchée par Mahomet. En effet, il est inutile à la généralité des lecteurs de connaître la partie historique du Coran. Mahomet ne se piquait point d'être historien, il s'est borné à répéter, avec les traditions de ses compatriotes, les récits de la Bible développés par les traditions juives ou chrétiennes. Son seul but était d'éclairer les hommes sur la religion universelle annoncée par les prophètes, et de les engager à sortir des épaisses ténèbres que l'ignorance avait entassées autour d'eux. Quant à ce qui, dans le Coran, a trait à l'époque où vivait Mahomet, c'est dans l'histoire du prophète qu'il doit trouver sa place, et non dans un ouvrage du genre de celui-ci. Je me suis simplement servi pour ces extraits de la traduction de Savary, bien qu'elle ne mérite pas toujours une aveugle confiance, celle de Monsieur Kazimirski n'ayant pas encore paru quand j'ai fait ce travail. On m'accusera peut-être d'avoir présenté le livre sacré des musulmans sous un jour favorable, en faisant un choix des passages les plus remarquables, et de ceux qui se rapprochent le plus de nos idées. J'avoue qu'effectivement, comme il y a un grand nombre de répétitions dans le Coran, j'ai choisi, sur plusieurs versets qui expriment le même sens, celui qui m'a paru le meilleur, comme aussi j'ai dû élaguer ceux que les musulmans eux-mêmes nomment obscurs. Je ne me suis pas cependant fait une loi de ne point laisser subsister de répétitions, plusieurs étaient nécessaires, et ceux qui connaissent le Coran savent qu'il aurait été impossible de les éviter entièrement. Le Risale-i Berkevi, ou petit traité par Berkevi, que j'ai intitulé « Exposition de la foi musulmane » et dont j'offre aujourd'hui la traduction, n'est autre chose qu'un catéchisme à l'usage des Turcs. Il est chez eux très estimé et très répandu, on en a fait plusieurs éditions à Scutari, une à Kazan en 1806, et une en vers turc. Kazizadeh Islambouli, Ahmed Ben Mohamed Amin, en a donné un commentaire qui, ainsi que le catéchisme, est en turc, et qui est également imprimé à Scutari. Il est intitulé « La perle précieuse d'Ahmed », nom du commentateur, ou commentaire du petit traité de Berkevi. Je m'en suis utilement servi, car l'on rencontre souvent de l'obscurité dans le texte. L'auteur, Native de Birgi, en Anatolie, auprès de la montagne de ce nom, l'ancienne Ipaepa, mourut de la peste à l'âge de 55 ans, en 981 de l'Égir, 1573 à 74. Il est auteur d'un grand nombre d'ouvrages de philologie et de théologie dont on peut voir la liste dans la continuation de la biographie des savants ottomans de Tashkent-Prizadeh, par Atai, avec l'histoire détaillée de sa vie. Les traités les plus complets de la religion musulmane embrassent le dogme, le culte et la morale, mais il y en a qui ne renferment que le dogme et le culte, d'autres le dogme seulement. Quelques-uns enfin s'attachent au dogme et à la morale, et passent légèrement sur le culte. C'est dans cette dernière classe que le traité de notre auteur doit être rangé. En effet, Berkevi parle du dogme d'une manière assez étendue, il y consacre les 6 premiers chapitres de son ouvrage, mais il indique à peine les devoirs du culte. Il est vrai que l'auteur entre dans des détails minutieux au sujet des ablutions et des règles touchant la prière, détails qu'il adjoint à son traité sous le titre d'appendice. En terminant son risalé, Mohamed El-Berkevi entre aussi dans les détails les plus circonstanciés sur ce qu'il désire que l'on observe à sa mort. J'ai omis ces détails peu intéressants pour nous. Quant à la partie morale, elle se trouve renfermée dans le 7e chapitre, mais elle est mêlée à des choses qui tiennent au dogme et au culte. Elle est assez étendue, toutefois, l'auteur a négligé de parler de plusieurs articles, comme de l'interdiction des images, de celle des vases d'or et d'argent, etc. J'ai divisé en sections ce dernier chapitre, pour y mettre plus d'ordre. Le traité dont je publie la traduction n'a rien de commun avec un ouvrage allemand intitulé « Birgi Lurizal ». L'exposition que je donne au public est traduite du turc de Mohamed Ben Bir Ali El-Berkevi, celle de l'auteur allemand et de l'arabe de Nejmuddin Omar Nesefi. L'ouvrage de Nejmuddin est bien plus court que celui de Berkevi. Il ne traite ni du culte, il faut en excepter la prière, ni de la morale. Il ne renferme en tout que 58 articles fort succincts, mais que l'interprète allemand a eu soin d'accompagner de la traduction du commentaire de Sadudin Teftezani et de notes intéressantes. Le Collège musulman sunnite, qui suit la série des textes du Coran que je publie, a été imprimé en arabe et en persan à Calcutta, sous le titre de Hidayatul Islam. C'est sur ce double texte que j'ai fait ma traduction. Pour rendre plus complet ce recueil de prières musulmanes, j'y ai ajouté quelques autres prières extraites du tableau de l'Empire ottoman de Monsieur Dosson et le chapelet musulman qui jusqu'ici n'avait paru en français que d'une manière plus qu'imparfaite, dans la mauvaise traduction du bon ouvrage italien sur la littérature turque, par Todrini. Je pense qu'on me saura gré d'avoir fait connaître les prières tant publiques que particulières du culte musulman. C'était un complément nécessaire de l'exposition de la doctrine du Coran et du catéchisme musulman sunnite.